Page 19. Activité 7. Piste 14. A. Thomas a 8 ans. B. Elle a une amie. C. Mine a une orange. D. Il est de Bruxelles.